Construire un monde plus humain, ça commence par nous. Avec le Crédit Coopératif, ensemble, nous avons ce pouvoir. Le pouvoir du nous. Que veulent ces marginaux? Ils font ça en signe de protestation. Ils veulent changer le monde. Changer le monde? Quelle drôle d'idée. Il est très bien comme ça, le monde pourrait changer. Après l'ère industrielle, chez nous, il y a eu les grands procès et les boycotts. Le boycott? Tout ce qui était mauvais pour la vie, on l'achetait plus. C'était l'arme absolue. Plus d'achat, plus de pouvoir. Ouais, ouais. Ça commence par moi, l'émission. Bonjour et bienvenue dans Ça commence par moi, l'émission sur Rage. Moi c'est Julien, je suis très heureux d'être avec vous pendant cette prochaine demi-heure. Parce que le monde de demain, c'est aujourd'hui que ça se passe. Nous allons répondre ensemble aux grandes questions de notre époque pour apporter des solutions efficaces et applicables directement dans notre réalité. Ça commence par moi, c'est l'émission de la transition éco-citoyenne qui donne la parole à des acteurs du changement. Ça se passe sur la radio Rage chaque semaine et vous pourrez bien entendu nous suivre sur les réseaux sociaux, retrouver le podcast sur iTunes et sur rage.fr. Et aujourd'hui, on continue à parler de technologie, mais cette fois de la technologie au service de la transition, de la technologie qui propose des solutions concrètes pour les individus, mais qui permet aussi de créer des ponts entre les organisations. Et nous accueillerons Edouard Marchal, en charge de la transition, de la communication pardon, chez Transiscope, portail web des alternatives. Avec Edouard, nous tenterons de comprendre comment on peut agir ensemble sur ces questions d'innovation technologique pour servir l'intérêt général. Mais avant d'accueillir notre invité, comme d'habitude, je voulais vous partager la bonne nouvelle de la semaine, car c'est bien connu, on entend beaucoup moins la forêt qui pousse que les arbres qui tombent. Encore une bonne raison de se réjouir d'un monde qui change avec Ecosia, le moteur de recherche qui plante des arbres. Et vous l'avez peut-être loupé, mais depuis septembre 2018, la ruche qui dit oui lance le mouvement hashtag Fourchette Power pour rassembler tous ceux qui changent le monde avec leur fourchette. 9 grands témoins apportent leur éclairage et partagent leurs bonnes pratiques en vidéo, notamment le chef étoilé Thierry Marx, Linda Bédoué de Ferme d'Avenir, la journaliste Marie Cochard ou les youtubeurs Mathieu et Léni de la chaîne du professeur Feuillage. L'objectif de cette campagne est de fédérer un mouvement national de citoyens mangeurs et montrer que la somme des comportements individuels engagé peut dessiner un projet de société collectif qui répond forcément à cette urgence climatique et tout ça autour d'un seul et même hashtag, hashtag Fourchette Power. Et moi tout de suite, j'accueille Edouard Marchal qui vient nous parler de Transiscope. Salut Edouard. Salut. Alors Transiscope, raconte-nous. Alors, Transiscope, donc, comme tu l'as présenté, c'est une plateforme web des alternatives qui agrègue toutes les données de la transition sur une carte unique. Donc le projet, il est innovant en cela que sur cette cartographie, vous allez retrouver justement toutes les données qui parlent transition dans toutes les cartes qui ont pu être inventées par les colibris ou Cap ou pas Cap sur une carte unique où vous allez par thème pouvoir trouver près de chez vous des solutions sur l'alimentation, sur le transport, sur la santé, sur l'éducation, enfin vraiment toutes les grandes thématiques de la transition qui sont représentées sur une seule carte. Donc moi je cherche demain un restaurant où manger végétarien, qu'est-ce que je fais? Vous allez sur transiscope.org et là tu vas juste te géolocaliser, puisqu'en fait, c'est une géolocalisation assez simple, et tu regardes autour de chez toi ce qui se passe au niveau restauration. Aujourd'hui, il y a à peu près 15 000 données dans cette carte-là, et en fait, comme c'est un projet qui ne crée pas les données, mais qui va chercher ce qui existe, l'objectif, c'est que d'ici un an, deux ans, il y ait toute la transition en somme sur une seule carte, quoi. Ce qui permettra en fait à la fois à des acteurs qui cherchent comme ça des idées ou des solutions de pouvoir les trouver, et ce qui permettra aussi de se rendre compte comment est-ce que la transition est en train d'avancer sur le territoire. Et ça n'existe pas autre part, quoi. Donc on se connecte sur une carte, finalement, qui fonctionne comme toutes les cartes qu'on peut imaginer sur Internet. Et là, tout d'un coup, apparaissent devant nos yeux plein de petits points, des petits points de couleur. C'est ça, avec des pictos exactement, ouais. Qui représentent les thématiques justement dont on voit l'alimentation, santé, transport et compagnie. Il y en a 8 en tout. Et en fait, vous allez pouvoir du coup il y a plusieurs tris en fait, il y a ces 8 premières thématiques, dans chaque thématique il y a des sous-thématiques, donc vous allez pouvoir, si vous cherchez quelque chose de précis, cibler sur la carte avec ces... Comme quoi par exemple Il y a une thématique un peu plus biodiversité climat, là vous allez pouvoir trouver des groupes d'action qui parlent climat par exemple, tout ce qui est groupe de réflexion, si c'est ça que vous cherchez, vous allez pouvoir le cibler et regarder sur la carte ce qui existe, autrement vous cherchez une école l'école Montessori, par exemple, ça est sur la carte aussi, parce que c'est répertorié par les partenaires de Transiscope. Donc voilà, c'est à la fois on peut cibler, donc chercher quelque chose de précis, et à la fois on peut se géolocaliser et donc juste voir autour de nous ce qui se passe. Et par rapport à, encore une fois, par rapport aux autres cartes qui existent, ben, l'idée c'est qu'il y a toutes les cartes sur une seule carte. Donc c'est exactement comme les autres, on n'a rien réinventé, on a juste essayé d'agréger toutes ces données-là pour que ça soit plus simple pour tout le monde et qu'en plus on puisse avoir une base de données, un répertoire gigantesque de toutes ces données-là voilà, en ligne et accessible à tous, quoi. Et donc je clique sur le picto, j'imagine que j'accède à des informations sur le lieu, sur le supermarché. Et qu'est-ce que ça me dit? Alors comment, et d'une, qu'est-ce que ça me dit? Quel détail est donné par rapport à ça? Comment je sais que cette démarche a de la valeur? Et comment je m'assure aussi de la qualité des informations? Alors, donc, bah, quand on clique dessus, tout simplement, il y a une petite étiquette qui va apparaître sur la droite, qui va vous raconter en quelques lignes de quoi ça parle, quel est le projet. Et en dessous, vous avez une adresse, où vous avez un site internet, où vous avez des liens. Ils ne sont pas sur tous, ça dépend en fait des données à la base qu'on a récoltées. Puisque le principe de Transiscope, c'est on prend de la donnée brute, on la transforme, on la réharmonise pour que justement ça vous arrive sur cette carte-là de la même manière à chaque fois. Ouais, c'est ça. Donc la complexité technologique, c'est que toutes les cartes n'ont pas les mêmes référencements. Donc ça veut dire qu'il faut transformer, pouvoir poser sur cette carte-là. Alors parfois, il y a des sites internet, parfois il n'y en a pas. Parfois il y a des comptes réseaux sociaux, parfois il n'y en a pas. Des adresses ou pas. Enfin, ça dépend de quelle carte on est parti chercher l'information. Parce qu'on ne peut pas créer l'information. Hein. On peut la réaménager pour qu'elle sorte comme ça sur la carte avec ces petites fiches qui expliquent quelles sont ces alternatives. Mais on ne peut pas créer un site, il n'y a pas de site. Mais bon, normalement, après, il y a plutôt un site internet, il y a une adresse, ça c'est sûr, puisque de toute façon, c'est géolocalisé. Donc, vous avez à minima l'adresse et voir le site, et vous pouvez du coup contacter cette alternative directement, et point. Ça s'arrête là, il n'y a rien d'autre à faire, on ne remplit pas de mail, on ne se connecte à rien du tout, il n'y a pas de compte, c'est vraiment une carte avec des données qui sont de toute façon en open source. Le projet lui-même est open source, puisque la cartographie, enfin, l'appareillage entier technologique est quelque chose qui est tiré des technologies libres. Donc on s'est éloigné de Google, bien sûr, et tout ce qui existe déjà là-dessus. Et c'est peut-être en ça encore que c'est assez nouveau par rapport à ce qui existe. Mais justement, j'allais te poser la question. Transiscope, c'est quoi? C'est une asso? C'est une entreprise? Quel est le modèle? Alors, Transiscope, c'est un rassemblement d'associations, d'organisations. Il n'y a pas de modèle juridique. C'est vraiment de l'association de fait. Avec des grosses organisations comme Alternativa, les Colibris, il y a le mouvement Utopia, il y a Cap ou pas Cap, la MES, le CAC, enfin voilà, des grosses organisations autour de la transition qui se sont réunies pour à la fois faire fonctionner le projet et à la fois donner leurs données. Donc ils sont soit dans ce qu'on appelle le COPIL, quoi, donc le comité de pilotage, soit ils sont ils donnent ce qu'ils avaient eux en base et donc ça nourrit la carte. Donc des associations qui sont quand même très actives dans le mouvement de la transition. Ouais, très actives et j'irais même qui ont comme point commun justement de parler de commun. Et c'est là où c'est très important, c'est-à-dire que toutes les données normalement qui sont sur cette cartographie sont passées par la moulinette d'une charte. Et dans cette charte, il y a cette idée que les initiatives doivent être de l'ordre du commun. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui doit être privé ou en tout cas à minima, c'est pas quelque chose qui doit s'être approprié par une seule entité, c'est quelque chose qui doit être libre. Et donc, c'est des solutions qui existent, oui, et qui sont portées par des acteurs, mais des acteurs qui ont cette volonté de faire en commun, justement. Et donc, les associations du COPIL sont dans cette même dynamique-là. J'allais justement te poser la question, est-ce que sur la carte, on peut se retrouver avec l'Intermarché en bas de chez nous parce qu'il s'est mis à faire du vrac, par exemple? Non. Alors, non. Ah oui et non, en fait. A priori non, parce que Intermarché, non. Par contre, il y a... En fait, la difficulté de ce projet, c'est à la fois de proposer une vision la plus précise et la plus fidèle possible de la transition, telle qu'elle est en France, et à la fois d'être assez large et non pas exclure non plus trop de personnes. Il y a les cartographies justement qui rentrent dans le projet. Il y en a plein qui sont en attente et qui vont rentrer, d'ailleurs. Ces cartographies-là, elles sont étudiées par le COPIL, et le COPIL dit « Ok, a priori, ils ont la même démarche que nous, donc ça fonctionne. Donc, on dit OK, on les rentre et après, ils n'ont plus rien à faire. Ils sont dans la carte. Tout se met à jour automatiquement. Hein. Je veux dire, si quelqu'un sur Cap ou PayCap change une donnée, elle est changée sur Transiscope. Ça, là-dessus, c'est bien en ça que la technologie est chouette. C'est qu'il n'y a plus rien à faire derrière. Mais du coup, si on prend des cartes un peu plus larges, bah, on peut se retrouver effectivement avec des alternatives un peu moins. Un peu plus large aussi, quoi, finalement. C'est-à-dire, par exemple, sur l'alimentation, il y a beaucoup de débats à savoir est-ce que telle entité ou telle entité devrait être sur la carte. Ouais. Sauf que nous, à partir du moment où on a tranché que l'entièreté de la carte rentre dans cette charte, bah, on le prend et le reste, après, bah, on peut partir sur des débats avec grand plaisir. Hein, mais c'est... Donc finalement, au-delà de la validation individuelle, ponctuelle de chacune des alternatives, c'est au moment de se regrouper entre toutes ces associations et de s'aligner sur les chartes, hein, qui laisse rentrer du coup certaines de ces initiatives à la lumière justement d'une envie d'ouverture aussi, d'une envie d'inclure au maximum pour faire grossir le mouvement, qu'on se retrouve avec une carte qui peut potentiellement avoir certaines largesses décidées par des associations. J'imagine que au-delà du pouvoir des associations, il y a forcément le pouvoir des citoyens qui est mis en avant. Mm-hmm. Peut-être dans justement le fait de faire des retours sur la non-qualité de certaines initiatives déjà référencées, ou carrément même pour référencer un nouveau café, une nouvelle AMAP qui vient d'être créée. Comment ils font ces citoyens quand ils veulent collaborer? Ouais, alors bah il y a une adresse contact qui fonctionne très bien, il y a beaucoup de bénévoles qui gèrent l'adresse contact, donc s'il y a des gens qui ont des choses à redire ou à débattre, on est super ouvert, parce que l'idée c'est pas de verrouiller, hein, c'est plutôt de continuer à être dans le débat. Maintenant, pour référencer quelque chose d'unique, les citoyens ont la possibilité d'aller sur soit Cap ou PayCap, soit près de chez nous, donc porté par les Colibris. C'est les deux cartographies en fait qui aujourd'hui sont les réceptacles des initiatives uniques. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit bah moi j'ai mon épicerie voilà ou mon association de vélo ou je ne sais quoi qui est près de chez moi, j'aimerais qu'elle soit sur la carte. Ils ont cette possibilité-là d'inscrire sur une des deux cartes et donc automatiquement ça ira sur Transiscope après. Maintenant, les citoyens qui ont des bases de données ou qui agissent en local avec des organisations qui ont cartographié une zone, eux, ils sont invités à nous contacter directement. Et là, on va faire des partenariats pour que justement notre technologie se plug sur leur base de données et que la base de données apparaisse du coup sur Transiscope comme le reste, quoi. C'est quand même incroyable cette solution. Pour moi, il me semble que c'est vraiment souvent la première chose sur laquelle on perd le plus de temps et on perd le plus d'énergie, c'est-à-dire dans l'identification des alternatives. Je sais que quand personnellement j'ai commencé ma transition, et ben voilà, on se dit mais en fait tous les endroits où j'allais sont des endroits avec un impact qui est très négatif. Et comment je fais pour identifier des nouvelles alternatives, pour aller boire une bière entre amis, pour aller m'éduquer, me cultiver, pour aller forcément faire mes courses. Et ça, on passe beaucoup de temps à essayer de trouver ces nouveaux lieux. On se balade, on essaie de faire des recherches un peu fouillies sur Internet. Là, tout d'un coup, on a un outil qui nous permet de démonter tout ça. C'est ça. Et à terme, en tout cas, parce que pour l'instant, c'est encore le début. Et c'est vrai que on pourrait se demander, mais voilà, mais il y a d'autres cartes qui font très bien le travail. Ouais, mais sauf qu'à terme, effectivement, il y aura encore plus de données. Et un des objectifs aussi, c'est de rajouter les événements de la transition. Donc pareil, c'est de se pluguer à tous les agendas qui existent alternatifs et de pouvoir les afficher sur la carte. Donc là, idem, c'est pour l'instant, c'est un outil qui est très utile pour ceux qui cherchent vraiment, qui cherchent la plupart des événements, pour l'instant des solutions et qui se disent, voilà, je vais aller chercher là-dessus. Plus tard, ça sera un outil qui sera beaucoup plus grand public et qui pourra justement dire, bon, bah, moi, je cherche, je sais pas si je cherche, mais en tout cas, je suis curieux de savoir ce qui se passe et tout d'un coup dire, ah, bah, tiens, c'est un sujet qui m'intéresse, j'y avais pas pensé. Tiens, c'est marrant, ils mettent éducation avec alimentation, quel rapport? Parce qu'effectivement, tout le monde n'est pas au même niveau de compréhension de ce qui se passe au niveau de la transition, au niveau global en France. Donc, c'est une carte qui pourrait être assez pédagogique là-dessus à terme, quand il y aura beaucoup, beaucoup de données. Et quand on aura fini par intégrer toute la liste justement des organisations qui sont en attente pour être intégrées et quand la technologie voilà, pourra parler à des citoyens qui sont juste curieux, vraiment les citoyens qui ne sont pas engagés, qui n'ont fait aucun pas, mais en tout cas qui se disent tiens, il y a quand même beaucoup de choses quoi. Je ne pensais pas que c'était si grand en fait cette transition. Et d'ailleurs 15 000 actuellement solutions référencées, l'objectif à la fin d'année? En année 1 du projet, c'est 100 000 données qu'on aimerait avoir. Et en fait, elles sont déjà là, les données. Donc c'est ça qui est assez chouette et rassurant. C'est 100 000 données, c'est facile parce qu'elles existent. Maintenant, on va falloir les chercher, les plugger, mais on ne va pas les créer, on ne va pas les inventer. Quoi. Elles sont... Et ouais, il n'y a pas grand-chose à inventer, il y a juste à les mettre sous les yeux des gens qui les cherchent. C'est ça. Et tout ça, ça se passe sur Transiscope, et le site internet, c'est transiscope.org. Génial, une bonne présentation, merci Edouard. Toi, tu n'es pas venu sans rien, puisque dans tes poches, tu nous as ramené une chanson, et ça sera notre petite interlude musicale. Qu'est-ce que c'est alors ? Alors, c'est Calune, on recrute, et c'est un artiste très engagé qui suit les mouvements, justement, pour la transition, notamment Alternatiba, qui m'avait bien plu, et je trouvais que c'était un peu dans le thème. Donc, ça tombe bien, on voilà. Était une centaine de milliers à marcher pour le climat il n'y a pas longtemps, et on continue à recruter, et c'est Damien Calune. Mesdames et messieurs, approchez, approchez. On recrute. Le moment est venu que nous nous réveillons, que nous nous élevions tous ensemble pour la nature, pour l'amour de nos animaux, pour l'amour de nos plantes et de tous nos végétaux. Mais tous unis, nous sommes un. Nous pouvons, nous voulons, nous allons changer le monde. On recrute des glaneurs de poubelles, préparateurs de manifs, des crieurs de ruelles et des bloqueurs de périphes, des faiseurs de soupes populaires, esprits créatifs, penseurs libertaires, des paysans révoltés, restaurateurs véganes, et même des dresseurs de tentes au bord du canal. On recrute des ouvreurs de cages, des gens qui ont dans le cœur la notion de partage, des créateurs de mode sur coton équitable, chanteurs qui jouent gratos sur violon et guitare, toute personne animée d'un amour véritable. Ça sera long et délicat. On a besoin de vous, on veut changer le monde. On a besoin de frondes, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup. On a besoin de vous, on veut changer le monde. On a besoin de frondes, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup. On recrute des passionnés, des oiseaux, des pêcheurs qui respectent ceux qu'ils sortent de l'eau, des vendeurs en AMAP, des producteurs locaux. L'apiculteur est seul face à Monsanto. On recrute des sourires et des camarades, capables dans le pire de se donner la collade. Vignerons, rebelles ou banquiers repentis, des zadistes qui se dressent contre les projets inutiles, des lanceurs de bombes de graines, des hackers par centaines, des faucheurs volontaires, des journalistes, des vrais qui vont chercher l'information et refusent de se la faire dicter. On a besoin de vous, on veut changer le monde. On a besoin de frondes, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup. On a besoin de vous, on veut changer le monde. On a besoin de frondes, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup. On recrute de belles âmes pour l'accueil des réfugiés et des voleurs de chaises à la BNP, des protecteurs des grands singes, d'une nature sans défense qui dénonce un tourisme à dos d'éléphant, des lanceurs d'alerte et parfois de cailloux. On recrute des poètes, des concepteurs de yourtes, clowns activistes, humoristes engagés, maraîchers urbains dans des jardins partagés. On a besoin de sages qui connaissent les plantes, des tenteurs d'une médecine différente. On recrute des peintres au grand cœur pour colorier le monde de toutes les couleurs. On a besoin de vous, on veut changer le monde. On a besoin de frondes, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup. On a besoin de vous, on veut changer le monde. On a besoin de frondes, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup. Et c'était Damien Calune, et qui recrute. Et nous, on est toujours dans « Commence par moi l'émission » et nous sommes avec Edouard Marchal. Comme d'habitude, deuxième partie d'émission, on attaque une question un peu plus globale, un peu plus générale. Et moi, ce que je voulais voir avec toi, puisqu'il me semble, Edouard, que dans Transiscope, il y a une vision, il y a une manière de fonctionner qui est assez innovante, en tout cas sur un projet de cette échelle. C'est pourquoi, en général, sur un projet technologique, on est un peu dans un monde Highlander où il doit en rester qu'un et c'est chacun pour soi, alors que vous, vous avez décidé d'être carrément dans le un pour tous et tous pour un. Moi, je pense qu'il y a deux réponses à cette question. La première, c'est que la technologie, en fait, assez peu de personnes savent la gérer. C'est quand même, là, ce qu'on a créé, justement, ça a un nom, hein, ils ont appelé ça le bus sémantique. C'est une technologie que les développeurs bénévoles du projet ont créé. Il n'y a qu'eux qui comprennent ça. Si vous voulez, ça, c'est pas... On ne peut pas, en tant que citoyen, s'approprier comme ça un projet sans comprendre la technique derrière. Donc du coup, dans tous ces projets-là qui se lancent, il y a avant tout quelqu'un qui sait comment on va mettre en place techniquement ce qu'on a envie de faire. Et ça, souvent, ce sont des développeurs qui sont payés pour faire ça. Du coup, c'est un projet qui, à la base, coûte assez cher et donc va forcément appartenir à une organisation ou à quelqu'un. Et donc, c'est d'ores et déjà biaisé puisqu'on a un projet qui n'est pas libre en tant que tel puisqu'il est verrouillé par la technologie, par la personne qui l'a créé. Ici, on a donc des développeurs qui viennent justement du mouvement libriste en France qui souhaitent que Internet soit totalement libre, que se libérer des GAFA, entre autres, donc des grands... Dont les grandes entités sont... Sont Google, Amazon, Facebook... Ouais, et dans le mouvement libre, à l'inverse. Et dans le mouvement libre, bah, en fait, on a le mouvement Framasoft qui, avec tous les logiciels du... Enfin, Framasoft, c'est les plus connus. On va pas s'étendre là-dessus, mais effectivement, il y a beaucoup de logiciels qui existent et qui essayent de créer des choses qui soient à la fois aussi fonctionnelles que les outils déjà en ligne et à la fois de rester dans le commun. Et c'est là où c'est compliqué, parce que quand c'est verrouillé, c'est plus simple. Quand on a un code verrouillé, on peut en faire ce qu'on veut. Quand c'est libre, c'est là où il faut travailler beaucoup à toujours faire évoluer les technologies pour qu'elles avancent à la même vitesse qu'Internet. Et ça, c'est pas évident. Donc ça, c'est le premier point, l'aspect technologique. Là, on a eu la chance d'avoir deux développeurs qui venaient, qui travaillaient pour Alternative. Qui était militant pour Alternatiba, enfin un d'Alternatiba et un des Colibris exactement, qui se sont parlé et se sont dit bon bah on doit pouvoir ensemble faire quelque chose, et ils ont créé justement ce bus sémantique dont j'ai expliqué tout à l'heure qui va chercher les données et avec eux bah du coup comme c'était possible toutes les personnes qui les connaissaient qui étaient dans les organisations à l'époque disaient bon bah à ce moment-là on va vous aider à monter le projet, on va créer une équipe, on va aller chercher des financements, on va créer un nom, on va créer un plan d'action, de la communication, etc., etc., parce qu'à la base il y avait ça. Donc on a pu commencer vraiment à fonder ce projet sur le fait que deux personnes, enfin pas que deux d'ailleurs, il y en avait plusieurs, mais en tout cas ces deux personnes-là très motrices ont proposé librement leurs compétences et leur savoir-faire là où normalement c'est pas le cas. Donc voilà, c'est parti comme ça. Et de Alternatiba, c'est quand même beaucoup Alternatiba qui a porté au début le projet. Colibri, effectivement, assez rapidement grâce justement à ce développeur qui travaille pour Colibri. Les autres organisations se sont pluguées autour. Eux-mêmes ont fait appel d'ailleurs à leurs organisations amies qui savaient être dans cette mouvance de récolter de la donnée, notamment comme Gap ou Pacap, qui arrivait assez rapidement. Ouais. Je veux dire, ils ont dit, OK, on va commencer par les premières cartes qu'on connaît le mieux, parce que au moins comme ça, on teste avec eux. On les met dans le projet, ils rentrent aux copiles et ça fonctionne. Et donc, du coup, bah, depuis le début, ce projet, il est géré de manière commune. Il n'y a aucun salarié, il n'y a aucune... Encore une fois, c'est une association en tant de fait, puisqu'il n'y a pas d'identité juridique. Les associations portent le projet, c'est-à-dire que ils sont allés demander, par exemple, pour ce qui est de l'argent, chaque association a mis de l'argent au panier. C'est ça, parce que du coup, tu dis, il y a la mise en... la mise en collaboration des compétences, parce qu'effectivement, il faut savoir faire, mais il y a aussi le besoin d'apporter de l'argent, enfin, en tout cas, d'apporter de la main-d'œuvre et de la main-d'œuvre qui soit compétente, donc souvent rémunérée. Et c'est ce qu'ont fait ces associations. Elles ont dit, toutes les personnes qui travaillent chez nous, chacune chez chaque association, ont été, entre guillemets, mandatées pendant une courte période de temps pour travailler sur ce projet qui est pourtant collaboratif. Bah complètement. Donc ça veut dire qu'il y a à la fois des organisations qui ont mis de l'argent, à la fois des organisations qui ont permis à certains de leurs salariés de s'investir sur leur temps de travail dans le projet. Et donc ça a créé le comité de pilotage tel qu'il est et qui permet à Transiscope d'avancer à sa vitesse aussi, hein. Forcément ça va pas aussi vite que si on avait mis un jour 10 millions d'euros sur un projet puisque personne ne les a, mais en tout cas ça a permis de lancer le projet, de travailler dessus. Ça a mis quand même 2 ans à arriver, la technologie. Ouais, deux ans à bosser dessus. En fait, c'est vraiment très très compliqué. Moi je saurais pas bien l'expliquer parce que je suis pas développeur, mais il y a un enchevêtrement de 3 ou 4 technologies en fait dans un même circuit où tous les circuits doivent se parler ensemble en fait. Et donc il y a vraiment cette image d'un bus entier où il y a des tuyaux, il y a des transmissions, il y a vraiment beaucoup de choses. Et donc ils ont dû, et comme c'était du commun encore une fois, qu'ils n'ont pas pu juste prendre un outil, le payer et le mettre en place, bah ils ont dû vraiment tout développer à la main. Donc c'est ça qui a pris pris du temps. Et au fil de fait, c'était des gens bénévoles, donc a priori du temps bénévole. Donc maintenant que le projet là, il est en route, là, la technologie, elle est encore un peu en mode bêta, mine de rien. Donc on est encore un peu en train de la tester sur à quel point on peut, par exemple, faire monter le nombre de personnes sur la carte en même temps. Mais voilà, donc ça, c'est la partie technique de toute façon qui se règle au cas par cas. Mais la partie commun, bah, elle continue d'avancer et petit à petit, notre souhait, c'est d'avoir d'autres organisations qui rentrent dans le COPIL pour qu'elles nous aident à continuer à faire grandir ce projet, ouais. tant sur l'argent que sur le temps, que sur la visibilité. Mais donc, du coup, on se retrouve avec un autre problème qui est le fameux PFH, le putain de facteur humain. Il y a plein d'associations qui travaillent du coup là ensemble. Comment on fait pour gérer les égos? C'est pas évident. Dans ce projet-là, je trouve que... Du coup, ce qui est intéressant là, avec ce projet qui enfin est une preuve que ça peut marcher, est-ce que tu peux nous partager un peu les bonnes pratiques qui peuvent inspirer d'autres personnes qui potentiellement nous écoutent et qui se disent, voilà, plutôt que comme un peu la tendance quand même qui est très généralisée sur ces questions de start-up, de l'innovation, de moi j'ai eu l'idée, non mais moi je suis le plus fort et nous on a développé ce nouveau truc technologique qui n'existe pas. Il y a quand même cette tendance de la mise en avant, de l'impression qu'on est les premier. Comment on fait pour mettre ça de côté pour la cause, en fait? Je crois que le principe même d'avoir fondé le projet sur le côté libre a de fait imposé, entre guillemets, la collaboration dans le groupe. Enfin, imposé, c'est pas très joli comme mot, mais ça a été une pierre angulaire de ce projet. C'est ensemble ou rien, en fait, quoi. Donc, du coup, chaque personne, chaque organisation qui est rentrée s'est dit, bon, bah, est-ce que vous êtes OK pour travailler comme ça? Oui, non. Si c'est non, a priori, enfin, on va pas travailler ensemble parce que nous, on veut travailler ensemble. Donc, déjà, à partir du moment où c'est créé comme ça, c'est bien différent que quand c'est une personne qui a une idée, qui commence à réunir des gens, nanana, et qui finalement, on m'en dit, ouais, enfin, c'est un peu moi quand même qui suis. Ah oui, attends, c'est moi qui t'ai appelé, ouais. Tu te souviens la dernière fois, là, c'est ça. Ouais. Non, là, il n'y a pas ça. Là, il n'y a pas ça parce que c'est des personnes très humbles, je trouve, dans ce projet. Et l'autre grande idée, c'est que de toute façon, on n'a pas dit aux gens, coucou, on a un projet, venez avec nous et on va vous porter. C'est, on a une idée de récolter toute la donnée, y compris la vôtre, et de la mettre en avant. Aucun mal là-dedans. On n'est pas en train de créer quelque chose de nouveau, justement. Donc, rien que ça, cette volonté de vouloir propulser ce qui existe et d'aider, du coup, chaque organisation et chaque personne qui rentre dans le projet à mettre en avant ce qu'ils ont créé, on montre patte blanche à tous les coups. Donc, forcément, un projet comme ça qui a envie de collaborer avec ce seul objectif, finalement, c'est la collaboration, c'est la mise en commun, c'est l'harmonisation de ce qui existe. Ça peut pas faire de l'ombre à qui que ce soit. Donc, du coup, ben, je pense que les personnes se sont dit, OK, ça vaut peut-être le coup. Et après, en interne, oui, on a des personnes qui savent travailler ensemble. On utilise tous les outils qui vont bien en interne pour communiquer, pour être ensemble. Il faut savoir que dans ce projet-là, la plupart sont un peu éclatés dans toute la France. Hein. Je veux dire, les gens sont à Nantes, sont à Toulouse, sont à Lyon. Il y en a quelques-uns à Paris, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui sont dehors. Et ben voilà, on utilise les outils qui vont bien pour se parler. Et en fait, ça fonctionne. Et je pense que oui, ça fonctionne parce que ça a été créé comme ça. Il n'y a personne qui s'est approprié de fait le projet et aucune organisation n'a dit c'est nous qui allons le porter plus qu'un autre. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de, par exemple, c'est une stratégie et une volonté, il n'y a pas de réseaux sociaux, Transiscope. Ouais, on n'a pas de page Facebook, on n'a pas de Twitter. Ouais, qu'en fait, c'est les organisations qui portent ça. Faut pas que l'entité en tant que telle devienne espèce de monstre qu'on doit alimenter à tout prix. C'est quelque chose qui doit être très light, qui doit être pratique, qui doit être ouvert. Et donc pour ça, chacun doit s'approprier cet outil et doit pouvoir le communiquer sur son site, sur ses réseaux, etc. Donc avec l'idée aussi de ne pas rendre les gens captifs et dépendants. C'est mais ça. Au contraire, de leur proposer quelque chose. Donc parce que ce que tu dis, c'est qu'il y a un outil qui est mis au service des associations pour leur donner encore plus de visibilité parce que finalement, ce n'est que faire leur travail et de le faire en commun et donc du coup leur donner l'occasion de rayonner encore plus. Mmh. Mais pareil pour l'utilisateur. L'idée, c'est pas de dire, bah ouais, rejoins la communauté Transiscope et derrière, tu t'abonneras aux nouvelles Transiscope et puis ensuite, tu auras, je sais pas, un regroupement des rencontres Transiscope. L'idée, c'est vraiment de dire, vous avez un besoin particulier, vous savez où le trouver, venez de temps en temps, on va vous faire du mieux qu'on peut pour vous donner la meilleure information qu'on peut, et ensuite vivez votre transition comme vous le souhaitez. C'est ça, c'est un outil. C'est l'outil de la transition un peu par excellence. Et derrière, donc pour les gens qui arrivent de front, c'est plutôt comme ça qu'on le vit. Pour les gens qui sont dans le groupe, par contre, là où c'est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une idée de collaborer ensemble, et il y a déjà des collaborations du coup qui sont créées. Et nous, ce qu'on souhaite aussi, c'est que pour les organisations qui sont sur le territoire, elles aussi puissent collaborer. C'est en ça où cet outil va un peu peu plus loin et apporte vraiment une vision politique, mais qui sera pas matérialisée justement par des événements ou des trucs comme ça. Enfin, voilà, il y aura peut-être des rencontres comme ça pour expliquer le projet, mais effectivement, il n'y a pas une idée de faire communauté. Par contre, il y a une idée de que chacun puisse se parler. Et quand on veut créer quelque chose, on va sur cette carte-là, on regarde, ça existe, ça n'existe pas. À qui je peux parler, vers qui je peux me tourner, en fait, c'est ça aussi la grande idée de cette carte. Et donc, politiquement, ça veut dire on fait ensemble et on peut le voir physiquement sur la carte. Comment est-ce qu'on fait ensemble et où est-ce qu'on fait ensemble? Dernière question, ces associations qui se sont mises en commun pour proposer cette solution, est-ce que tu sais si derrière, ça, parce que finalement j'entendais Colibri et Alternativa, c'est pas forcément des acteurs qu'on a l'habitude de voir ensemble sur les mêmes événements, est-ce que tu sais si ça a renforcé les liens entre eux? Est-ce que si ponctuellement peut-être, ça a ouvert d'autres pistes? T'as des exemples peut-être? Alors, pas que je sache officiellement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, les salariés de toutes ces organisations se parlent beaucoup plus. Et effectivement, ça a pu casser peut-être certaines tensions qui a pu y avoir dans le passé. Non, clairement, humainement parlant, c'est de toute façon très positif. Ensuite, pour les projets à venir, je ne saurais pas dire maintenant, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y en aura. Parce que, de fait, quand on est ensemble et quand on voit ce qu'on fait, c'est tellement similaire que à la fois c'est bien qu'il y ait plusieurs orgas, à la fois c'est bien qu'on puisse travailler ensemble de temps en temps. Moi, ça m'inspire vachement. Du coup, c'est vraiment la preuve que pour lutter face aux énormes GAFA qui ont un porte-monnaie presque sans fin, en fait, avec la force de toutes nos actions individuelles rassemblées collectivement, là, on peut faire une vraie différence. Je terminerai. Est-ce que tu peux du coup nous redonner les deux plateformes que tu nous as citées, forcément Transiscope, mais aussi celle de des outils libres, des outils libres aussi pour donner aux gens l'idée de, voilà, il n'y a pas que Doodle, il n'y a pas que Skype, il n'y a pas tout ça dans l'avenir. Effectivement, dans toutes les Framasoft, du coup, vous allez trouver les Framapad, par exemple, qui vont remplacer les Google Agenda, les Google Sheets. Ouais. Il y a tous les outils de Google, en fait, sont sur une trentaine. Allez faire un tour du côté de Framasoft, et sinon, c'est transiscope.org. C'est ça. Merci, Edouard. Et voilà, vous le savez, maintenant c'est une habitude, hein, une demi-heure, qu'est-ce que ça passe vite quand on est tous ensemble à parler de la transition. Ça commence par moi, c'est fini, je suis ravi comme d'habitude moi d'avoir passé ce moment en votre compagnie et d'avoir pu vous donner l'opportunité de découvrir d'autres moyens d'accéder à forcément des solutions concrètes pour changer le monde. Merci à Raj pour son soutien et merci à toute l'équipe qui a permis de rendre cette émission possible. Big up à Raph et à Simon. Si vous voulez réécouter ou partager cette émission, moi je vous donne rendez-vous sur raj.fr ou sur iTunes. Continuons à construire un monde meilleur, continuons à être heureux et je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Construire un monde plus humain, ça commence par nous, avec le Crédit Coopératif. Ensemble, nous avons ce pouvoir, le pouvoir du nous.